Ayant envie tous sur cette même terre, partage ce même univers et qui se verre. De face les gémeaux persévèrent dans cette vie qui s'avère sévère. On est des mercenaires solitaires, des militaires s'il faut faire la guerre pour avoir la paix. On est prêt à rester en paix, risquer l'incarcération, silencer sans cache ni respect. Trahison, rébellion, sabotage, mutinerie, jalousie. Derrière les masques de l'hypocrisie, la crise est tous à table affamés de femmes et de gloire, d'espoir, de pouvoir et de victoire. Compétition féroce, force à exceller et accélérer. Seul service sera le premier arrivé. Y'a pas de prix de consolation, la désolation. Sans parler second, on vise l'abandon, l'isolation. Utilisation de moyens plutôt malsains. Civilisation en déclin, comme l'empire américain. Et le pire c'est demain, et ce futur n'est pas si loin. Troisième millénaire et technologie règle toujours rien. Les jeunes ont faim, et ce qu'ils veulent c'est pas des miettes de pain. Je le sais bien, ils veulent un festin pour destin. C'est l'instinct, chasser le naturel, il revient au galop. Normal désir un avenir c'est pas trop beau. À l'horizon les prévisions sont sombres. Déluge de larmes, des pluies de sang et morts sans grand. Ayant le monde et les temps changent, j'me range pas, j'reste au combat. Quitte à ce que j'mange pas, j'pense pas. Cassé de viande pour toi et moi, les prédateurs s'affamés. Ayo le monde et les temps changent, j'me range pas, j'reste au combat. Quitte à ce que j'mange pas, j'pense pas. Cassé de viande pour toi et moi, les prédateurs s'affamés. Ayo tout ça, ça rend malade, comme avaler ses salades. Faut être un imbécile pour croire ce que racontent ces balades. Les sentiments s'effacent, comme gelé dans un cœur de glace. Jamais de sourire sur mes faces, sauf quand je touche du cash. Lâche le tien, dorénavant c'est le mien. Robin des bois contemporains ne vole plus pour son voisin, mais bien pour son propre pain, pour son propre bien. Moi je n'ai jamais crevé de faim, mais c'est pas le cas de certains qui tendent la main à moins 40 sur les coins de Saint-Jean ou Saint-Laurent, espérant que le printemps s'en vient. Comme disait si bien le loup, la vie est laide et j'imagine la mort encore pire. Alors fuis la corde raide de face de Gémeaux, Desperado, recherche Eldorado. Sans trop savoir où je dérive comme un radeau. Tous là comme des cons désaxés, fixés sur des aiguilles qui ne cessent de valser. Tourner sur son axe, mais où on est il faut que je sache où est ma place avant qu'on me l'arrache. Parce que personne ne concédera la sienne, chacun pour soi, c'est comme ça. La vie est fucked up, demande pas pourquoi cette voix dans ma tête chaque fois me répète, la vie envers toi n'est pas correcte. Pourquoi tu la respectes? Arrête ça, pète ta coche, fais ce qu'il te plaît. De toute façon, un jour on crève et tu le sais. Ayo le monde et les temps changent, j'me range pas, j'reste au combat. Quitte à ce que j'mange pas, j'pense pas. Cassé de viande, pour toi et moi, les prédateurs s'affamés. Ayo le monde et les temps changent, j'me range pas, j'reste au combat. Quitte à ce que j'mange pas, j'pense pas. Cassé de viande, pour toi et moi, les prédateurs s'affamés. Ayo le monde et les temps changent, j'me range pas, j'reste au combat. Quitte à ce que j'mange pas, j'pense pas. Cassé de viande, pour toi et moi, les prédateurs s'affamés. Ayo le monde et les temps changent, j'me range pas, j'reste au combat. Quitte à ce que j'mange pas, j'pense pas. Cassé